Coucou, c'est Agathe. On est parti pour l'astrologie chinoise du mois d'août. Si vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, vous allez sur votre barre de recherche, vous tapez « Calculer mon signe chinois », vous entrez votre date de naissance et vous saurez de quel signe chinois vous dépendez. Allez, pour le mois d'août 2025, alors ça déménage parce que même si nous sommes toujours dans l'année du serpent de bois, ça va être gouverné par le métal, le singe de métal. Donc c'est un mois où débarque une vibration tranchante, maligne bien sûr, et c'est plein de rebondissements. Après la sensibilité que l'on a vue du mois dernier au mois de juillet, même si c'était dans des émotions très très feu, eh bien là on nous place carrément sous l'audace. Alors, nous avons en tronc céleste du mois le Geng, c'est-à-dire le métal Yang. C'est ce qui viendra mettre de la force dans nos audaces, dans nos réflexions. Nous aurons l'esprit vif. Rameau terrestre du mois, donc le singe. Hein, c'est pour ça que je vous fais référence à l'esprit vif. En étoile dominante, nous aurons l'étoile des décisions audacieuses. Le métal Yang, donc, ce mois d'août, va venir faire couper des situations, peut-être des relations, peut-être des contrats de travail, peut-être des décisions que l'on avait prises, en tout cas, vient couper net. Donc ce mois, c'est un mois qui rebooste des opportunités, des choses soudaines d'ailleurs, et des choix qui vont être un petit peu plus osés que d'ordinaire. Donc on a des mots-clés hein, pour ce mois d'août. Rapidité, intelligence, surprise et audace. Ce qui va fonctionner sur le mois d'août, les stratégies malignes, les risques calculés et les réseaux sociaux. Ils vont être très bavards sur le mois d'août. Ce qui va bloquer sur le mois d'août, la dispersion, l'impatience et les faussetés, les faux-semblants, les hypocrisies. Allez, prêt à savoir sous quel ciel vous êtes? C'est parti, let's go! On commence par les rats. Alors les rats vont être sous l'influence de l'étoile de la chance rapide. Vous, pour le mois d'août, il y a une opportunité pour le travail qui vous tombe du ciel. Par contre, lis bien les petites lignes avant de signer. Pour les amours, une surprise ranime la flamme. En tout cas, ça scintille si tu es en couple. Et pour les célibataires, une rencontre, certes, éclaire, mais ça va te faire vibrer. Pour la santé, tes nerfs risquent d'être un petit peu à vif si tu sprintes trop. Le petit conseil, fonce sur ce mois d'août, mais prévois tout de même un plan B pour chaque situation. Pour nos amis buffles, vous êtes encore dans l'adaptabilité. Là, il serait temps pour le travail de bouger de ta zone, de ta zone quotidienne, de ce qui est ton quotidien, de ta zone d'habitude, ta zone de confort. Sors de cette zone quotidienne. Ose, ami buffle. Côté amour, l'âge du lest, par contre, sois plus cool. Quant au célibataire, une personnalité opposée va te titiller. Il y a un petit jeu qui est en train de se manigancer. Côté santé, pense à t'étirer chaque matin, chaque soir, parce que ton dos va t'appeler au secours. Côté loisirs, je t'inviterai justement à un petit sport très doux, feng shui, massage shuina. Il y a de très bons spécialistes qui le font, même sur internet, sur TikTok. J'en ai vu quelques-uns qui offrent de très bons exercices à faire. Donc, je te demanderai de faire attention à ton dos, essaye de l'inclure dans tes loisirs. Un petit conseil du mois, fais attention, les choses risquent de tourner très très vite. Ne loupe pas le coche dans toutes les occasions qui vont se présenter à toi sur le mois d'août. Nos amis tigres, on est dans le défi, on est influencé par le défi sur ce mois d'août 2025. Pour le travail, c'est de l'audace, lance-toi, évite de tout casser. Avec toi, ne te comporte pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Les amours, il y a des petites tensions, il y a de l'électricité dans l'air. Si on se posait, si on se calmait devant un petit dîner à deux, histoire d'en parler. Pour les célibataires, on a des rencontres intéressantes, plutôt à l'opposé avec votre énergie, de la tendresse, de la douceur. On se laisse surtout surprendre. Après, pour ta santé, t'as une énergie qui déborde. Essaye de la canaliser, sinon tu vas cramer. Tes loisirs, prends un sport qui cogne. T'as besoin d'un défi qui te pousse à fond dans tes retranchements. Alors, le petit conseil que je pourrais te donner sur ton mois d'août, ose l'inattendu, notamment sur ton sentimental, quelque chose qui te ressemble pas, mais garde une petite issue au cas où. Pour nos amis lapins, on est sous l'influence de la sagesse. Pour le travail, trop de remue-ménage, n'est-ce pas? Donc continue d'observer, d'avancer à ton rythme, pas de précipitation. T'es amour, tu veux du calme, mais tant pis, tu vas devoir suivre le mouvement, ça bouge quand même. Alors je te dirais, si t'es en couple, profites-en, sans trop cogiter. Pour les célibataires, il y a une entrée qui arrive dans ton cœur. Côté santé, protège-toi du stress, recentre-toi. Côté loisirs, on est toujours dans de la douceur, on est au mois d'août, pense à faire du farniente, de t'allonger au soleil avec une bonne limonade, ça te fera du bien. Accorde-toi ces petits moments précieux. Un petit conseil pour le mois d'août, pour toi, laisse venir les choses, tout ne se contrôle pas. Ami dragon, on est sous les opportunités. Côté travail, ton moment arrive, ça décolle. Par contre, uniquement si tu te décides vite et bien. Côté amour, le charisme, tu mènes le jeu, c'est le feu si tu es en couple. Et célibataire dragon, tu as envie d'être en couple, alors repense à ce qui ne va pas. Revois ton jeu de séduction, revois ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en avant de toi. Ose aller séduire la personne qui te plaît. Donc ce que je peux te dire, le petit conseil du mois, ose faire les choses parce que tu as plein de coups gagnants, c'est les opportunités gagnantes, donc ose, ami dragon. Pour nos amis serpents, on est dans ce qui brille, on est dans je veux exister, je veux compter, on est influencé par ça sur le mois d'août. Je te dirais pour ton travail, oui, c'est le moment de jouer tes cartes. Tout ce que tu as préparé, c'est le moment d'étaler ton jeu sur la table. En amour, on a des réconciliations qui se feront parce que ça a été très tendu. Pour les célibataires, on est intrigué par une personne que l'on ose aborder. Je peux te comprendre, ami serpent, mais si tu ne tentes rien, l'autre ne bougera pas. Pour ta santé, on est toujours dans de la nervosité. Relâche. Côté loisirs, moi je t'inviterai à du jeu en groupe, du jeu d'énigmes. Tu aimes ça et tu excelles dans ce domaine. Tu es un excellent enquêteur. Mon petit conseil du mois, fie-toi à ton flair, mais reste assez souple, flexible. Pour nos amis natifs du cheval, alors là on est encore dans de l'aventure, on a envie que ça galope. Côté travail, il y a des choses qui ont été mises en place déjà le mois dernier et là ça va encore très vite, il y a des projets qui te poussent à l'excellence, bravo. Côté amour, tout est en ligne, il n'y a rien à changer si tu es en couple. Et côté célibataire, une rencontre qui pourrait se faire dans quelque chose de sportif, dans quelque chose de collectif. Côté santé, n'oublie pas de faire des pauses parce que côté amour, si tu es célibataire, et côté travail, ça joue des coudes. Donc respire, n'oublie pas de penser à toi et de faire des pauses. Pour tes loisirs, tu hésites entre voyage ou je ne fais rien avec la paille dans le verre ou carrément l'opposé, l'exploration. Je ne pourrais pas choisir à ta place, c'est à toi de voir. Mon conseil du mois, suis le vent, écoute-toi, laisse-toi porter, mais ne va pas trop vite. Au risque, en fin de compte, de faire du vide. Pour nos amis chèvres, on a des idées. Alors, pour le travail, justement, ces idées, elles sont là et elles demandent à être mises en lumière, à être exploitées. Si tu veux qu'elles le soient, organise-les. Parce qu'un projet très créatif risque d'éclore très vite. Côté couple, tu es sensible, très sensible à bloc. Pour les célibataires, attention, évite de rêver. La redescente risque d'être rude. Côté santé, les émotions, ça fait les montagnes russes, hein. On a vu que le sentimental allait beaucoup t'impacter ce mois d'août. Essaye d'apaiser ton esprit. Pour tes loisirs, vu qu'il y a un problème d'émotion à stabiliser, pourquoi pas faire une fuite juste à deux entre amoureux. Un matelas dans le coffre, une glacière et juste la mer ou le paysage devant toi ou la montagne devant toi. Petit conseil, ose créer, ose proposer, structure parce que tu as du génie. Faudrait pas le gaspiller. Pour nos amis singes, on est sous l'étoile du triomphe au mois d'août. Il y a une chance unique qui te met en orbite. Attention, ne te perds pas en route côté travail. Côté amour, ton autre risque de te surprendre. Et puis pour les célibataires, t'arrives à faire craquer sans forcer. Côté santé, ton énergie est explosive. Gère tes excès. Côté loisirs, sorties, défis, jeux, tout ça te fait kiffer. Mon petit conseil, donc pour le mois d'août, ami singe, continue de briller fort, oui, mais garde ton cap sur l'essentiel. Ami coq, beaucoup de chance pour toi au mois d'août, c'est ton heure de gloire côté travail. Tes efforts payent enfin une bonne association, peut-être des partenaires dans le projet que tu menais à bien depuis un moment et ça réussit, bravo. Tu as osé faire confiance, tu as tenu compte des conseils du mois dernier. En amour, tu es toujours autant perfectionniste, détends-toi un peu, fais confiance à l'autre. Quant au célibataire, laisse venir la magie naturellement. Pour le mois d'août, stress en vue, détends, le plus dur est passé, souffle. Et pour tes loisirs, apparemment, tu aurais choisi d'entrer dans une formation. C'est plutôt une bonne idée. Mon petit conseil pour le mois d'août, oui, continue de viser haut, tu le vaux bien. Par contre, reste cool avec toi-même. Pour nos amis chiens, on est sous les influences du côté très sérieux. Eh bien, pour le côté travail, va être des défis et ton sérieux va être testé. Et il est possible que tu aies affaire à des collègues ou à des faux amis un peu hypocrites autour de toi. Regarde bien à qui tu parles. En amour, en couple, c'est l'authenticité. Au moins, ça c'est sûr. Côté célibataire, pour nos chiens célibataires, il y a des rencontres et des rencontres fiables. Pour ta santé, arrête de tout porter. Qui est-ce qui prend soin de toi? Pour tes loisirs, des moments entre proches, des randos, des petits moments de camping. On a ces petits moments conviviaux entre proches et ça te réussit, ça te pose, ça te calme, c'est de la valeur sûre, la famille, les amis. Mon petit conseil, ami chien, pour le mois d'août, fais-toi confiance, oui, mais trie tes alliés. Pour nos amis cochons, nous serons amenés à être sous l'étoile de l'inspiration. Côté travail, une idée de génie ou une négociation qui arrive comme ça. Ce mois va te booster sur le professionnel et ton intuition paye. Tes amours, douceur, étincelles, c'est le tout à la fois et ça fonctionne très bien. Et pour nos célibataires, une vibe de romantisme inattendu. Pour la santé, tu es en assez bonne forme. Pour les loisirs, tu as décidé de te faire plaisir et d'oublier le mode régime alimentaire. Oui, une petite glace de temps en temps, ça ne peut pas te faire de mal. De temps en temps. Par contre, le conseil que je te donnerai, c'est fais attention à ton budget, il faut penser à la rentrée. Alors, 2025, ce mois d'août, peut vous amener à poser des bases pour préparer la rentrée de septembre. Soyez attentif à tout, et je le dis pour tous les signes. On va couper net sur des situations, mais on va aussi viser juste, et cela aura justement une importance pour la suite. Je vous donne rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en septembre pour tous les signes de l'astrologie chinoise. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme astrocenter.fr, sur wengo.fr, que ce soit par chat, par mail, par téléphone ou tout simplement en visio, n'hésitez pas. Et si je ne suis pas en ligne, vous avez la possibilité de déposer une demande de rendez-vous. Je vous réponds généralement dans les 48 heures au maximum. Si vous voulez tout connaître de moi, vous pouvez continuer de regarder tous mes contenus qui sont sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller voir mon profil, il y a la manière de comment me joindre. Si vous voulez aussi bénéficier de nombreuses réductions avec moi, notamment si vous appelez sur la plateforme AstroCenter et Wengo, vous n'oubliez pas, si c'est votre première inscription, de donner le code AGATE en majuscule. Et là, je vous ferai bénéficier de 10 minutes gratuites avec moi. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Bon été à vous.